Les délégations de la conférence de Pagvosh sur la science et les problèmes mondiaux, de l'Association de liaison pour l'amitié internationale de Chine, de la Direction générale de l'information et de la presse d'État, de la radio, du cinéma et de la télévision de Chine, des éditeurs de Yambian de Chine, des Coréens aux États-Unis pour la donation des livres et le directeur exécutif du programme pour la vulgarisation de l'enseignement sur l'environnement sont arrivés le 24 courant par vol à Pyongyang, pour participer à la 10e exposition internationale des livres scientifiques et techniques de Pyongyang. Précédemment, sont arrivés à Pyongyang la délégation des savants britanniques, la délégation de l'annexe de l'Extrême-Orient de l'Académie de Russie et le président de l'Association d'amitié Irlande-Corée.